sur le gabou. Passé minuit, j'sais plus où aller. Ça reprend le Beretta, sorti du palais. Minuit, midi, on compte la moula de Panama au quartier. J'prends un vol direct au Panama. Des gains de halibi, j'vais les yébis de Montana. Au quartier guitare à Santana. Mon collègue sous les palmes écrit sa papaya. Un cleans, deux cleans, trois cleans, goûte la moula. Un sieve, deux sieve, trois sieve, crie la guardia. Tout le check, on est où loulou? De Panama, Marseille, Hesse. J'm'en vais loin dans les îles, j'suis dans le paquebot. Mon poteau a trop la boca, tu sais même pas tenir ta poche, tu veux le réseau. Zin, Zin, la couze, le couze. On a le sang chaud, demande à Bengouze. On arrive dans le showcase, on est plus que 12. Ils m'écoutent dans la cellule comme les Sabastano. Ça dégueule dans la piscine, ça part en salto. C'est une choque, elle m'a dit Gambino. J'fais un tour, j'suis dans les îles, j'envoie le yo-yo. Ils sont jaloux, ben j'le rionne. J'cagoulé, j'demande qui on est. Ils m'appellent de la prison, bientôt liberté. 13-0-15 au pétou, tu sais qui on est. Elle fait le sinon là qu'on est ta nana. Y'a le cousin en liberté. On prend le monde, on trahit pas la Honda. Bâtiment A, bâtiment B. Elle fait le sinon là qu'on est ta nana. Y'a le cousin en liberté. On prend le monde, on trahit pas la Honda.